a period of practice, we should establish ourselves in good morality. So this is what we will do first. So I think after Bruno translates whatever translation needs to be done, then we can take the nine precepts. Ok, donc nous allons entamer ce week-end de méditation. Et la première chose que nous devons faire, c'est prendre les préceptes. Donc on parle dans l'enseignement de trois entraînements, l'entraînement de la moralité, stila, l'entraînement de la concentration, samadhi, et l'entraînement de la sagesse, panya. Et la moralité, donc les préceptes, c'est le fondement pour la concentration, qui elle-même sera le fondement pour le développement de la sagesse. Quand la concentration, quand on vient à une retraite, la première chose qu'on doit faire, c'est nous établir dans une bonne moralité. Donc voilà, nous allons commencer par prendre les neuf préceptes. Donc en fait, je devrais peut-être quand même dire quelques mots de plus par rapport à ces préceptes avant qu'on les prenne pour être sûr que chacun comprend bien. Le premier précepte, c'est ne pas prendre, prendre la vie d'un être vivant intentionnellement, donc de ne pas tuer. Le deuxième précepte, c'est de ne pas voler ou de ne pas prendre ce qui n'a pas été donné. Quand on dit ne pas prendre ce qui n'a pas été donné, cela ne veut pas dire qu'on ne peut rien prendre sans qu'on nous donne explicitement la permission de le prendre ou d'utiliser quelque chose. C'est entendu que, par exemple, on peut utiliser la nourriture, qu'on peut consommer la nourriture qui est présentée, ainsi que la literie et les autres choses dont on a besoin au cours de la retraite. Alors, le troisième précepte, c'est s'abstenir d'activités sexuelles. Il est possible qu'on ait un partenaire et qu'il soit présent ici à la retraite, mais il est mieux pour quand on pratique l'attention, il est mieux quand on pratique donc la recherche personnelle, il est mieux de s'abstenir de toute activité sexuelle. Alors le quatrième précepte, c'est s'abstenir des paroles mensongères, des mensonges, des jurons, des blagues, etc. Et aussi de ne parler que quand c'est strictement nécessaire. Par exemple, quand il y a des questions et des réponses ou quand on a besoin d'informations pratiques, on peut effectivement s'adresser au directeur de la retraite, fin du week-end. Mais quand on parle, en fait, on interrompt la pratique. On interrompt la pratique de l'attention qu'on essaye ici de développer à temps plein. Même si stricto sensu, parler, ce n'est pas nécessairement mentir, on essaye de limiter la parole au maximum. Donc le cinquième précepte, c'est s'abstenir de l'usage de drogues récréatives ou d'intoxicants ou de quoi que ce soit qui embrume l'esprit. Donc ces cinq préceptes consistent en un contrôle physique et verbal dans le but de ne pas nuire à d'autres. Les préceptes suivants, les préceptes 6 à 9, n'implique pas donc de contrôle dans le but d'éviter de nuire aux autres, mais implique une forme de contrôle afin d'avoir plus de temps à consacrer à la méditation. Le sixième précepte, c'est s'abstenir de nourriture solide entre 12 heures, entre midi et l'aube du jour suivant. Cela nous donne plus de temps pour la pratique. Alors aujourd'hui, vous avez déjà mangé, donc ce n'est pas grave, mais demain, vous devrez sacrifier votre repas du soir ou toute nourriture solide après-midi. Dimanche, de nouveau, vous pourrez revenir à la normale. Mais donc, demain en particulier, essayez d'être patient, de vous montrer patient. C'est important de bien maintenir ce précepte et de ne pas commencer à grignoter des petits snacks. Il y aura des thés, des tisanes, des bonbons qui pourront soulager un peu votre sensation de faim. Le septième précepte, c'est s'abstenir des spectacles, s'abstenir d'embellissement, de s'embellir soi-même et ou de se décorer soi-même. Alors le huitième précepte, c'est s'abstenir de sièges ou de lits hauts et confortables. En ce qui concerne les lits, ce n'est pas un problème parce que tous les lits ici au centre sont étroits. C'est des lits simples pour une personne. Le neuvième précepte, c'est garder une attitude d'amour bienveillant envers tous les êtres. À présent, donc, nous avons pris des préceptes et notre moralité est complète. Nous sommes établis dans la moralité et tant que nous maintenons ces préceptes, que nous les gardons, ce fondement de la moralité va pouvoir servir de fondement pour le développement de la concentration et de la sagesse. Ce fondement de la moralité est sûr et pourra nous aider à développer la concentration et la connaissance. Le Bouddha a donné des instructions pour la méditation assise. Donc, Sayali récite le texte en pali. Et ce texte en pali, dans ce texte en pali, le Bouddha dit, recommande aux pratiquants d'aller dans la forêt, d'aller à la racine d'un arbre, d'aller dans un endroit isolé des bruits humains, et de s'asseoir avec la partie inférieure du corps qui est repliée et la partie supérieure du corps qui est bien droite. Et ensuite, ce pratiquant doit placer son attention sur l'objet de méditation. À présent, vous êtes assis ici, soit dans une chaise, soit sur un coussin avec les jambes croisées. Essayez de ne pas avoir le dos courbé. Essayez de ne pas avoir la colonne vertébrale courbée parce que vous causeriez ainsi des douleurs qui ne sont pas nécessaires, enfin, qui peuvent être évitées. Donc, essayez de redresser votre dos. Donc, vous pouvez placer vos mains ensemble ou alors vous pouvez les placer l'une sur l'autre. Vous les placez comme vous le souhaitez, pour autant que les mains soient calmes, qu'elles ne bougent plus. Et ensuite, vous laissez votre respiration se produire naturellement en plaçant votre attention sur l'abdomen et en essayant de ressentir les mouvements de l'abdomen alors que vous inspirez et que vous expirez. Donc, portez votre attention sur l'abdomen et quand l'abdomen s'étend, alors que l'air entre, faites une note mentale, notez soulèvement, soulèvement et essayez de suivre le mouvement du début à la fin. Quand l'abdomen ensuite s'effondre, essayez de suivre le mouvement avec l'esprit du début à la fin en faisant un étiquetage, une note mentale, abaissement, abaissement. Laissez la respiration se produire telle qu'elle. Ce n'est pas important si elle est courte, longue. Superficielle ou profonde. Laissez-la simplement se dérouler naturellement. Si vous ne ressentez rien, si le mouvement de l'abdomen est imperceptible, vous devez placer vos mains, une main ou deux, sur l'abdomen, les deux mains l'une sur l'autre. À ce moment-là, vous allez ressentir le mouvement. Mais vous ne devez pas respirer plus fort afin de ressentir le mouvement. Vous savez que vous respirez, ça suffit. Chaque fois que l'abdomen se soulève, vous voulez être en mesure d'observer ce mouvement du début à la fin. Et vous notez soulèvement, soulèvement. La même chose pour l'abaissement. Vous voulez voir, observer ce mouvement du début à la fin. Et vous notez abaissement, abaissement. Vous continuez à noter ainsi chaque respiration. Lorsque vous êtes en mesure de suivre le mouvement, vous pouvez retirer vos mains et vous continuez à observer le soulèvement et l'abaissement. Chaque fois que vous prenez conscience que votre esprit est ailleurs, qu'il n'est plus avec ce mouvement, ramenez l'esprit au mouvement de l'abdomen. Et continuez à noter soulèvement, soulèvement, soulèvement, abaissement, abaissement. Donc ne vous sentez pas découragé si votre esprit part ailleurs. Chaque fois que vous prenez conscience que votre esprit est parti, ramenez-le simplement à l'abdomen, au mouvement de l'abdomen. L'abdomen, c'est un peu comme notre ancrage, l'ancrage vers lequel on revient constamment. Donc on va continuer à pratiquer conformément à ces instructions pendant 15 minutes à présent. Donc s'il vous plaît, essayez de continuer à pratiquer ainsi pendant 15 minutes. Donc à présent, on va terminer cette séance de méditation assise. Vous allez vous lever, vous allez aller vers votre chambre, vous allez accomplir toute une série d'actions pour vous préparer à aller au lit. Mais quand vous partez, quand vous vous dirigez vers votre chambre, essayez de prêter attention à vos pas. Chaque fois que vous vous rendez d'un endroit à un autre, essayez de prendre conscience de la marche. Et faites une note mentale, marcher, marcher. De cette façon, vous allez continuer à développer votre attention. Évidemment, maintenant, vous êtes sans doute fatigué et peut-être que de temps à autre, vous allez ressentir cette fatigue. Et si c'est le cas, si vous ressentez de la fatigue, faites simplement une note mentale, fatigué, fatigué, et puis revenez à l'observation des pas. Donc, demain matin, il y aura d'autres instructions par rapport à la méditation assise et la méditation en marche. Et puis plus tard dans la journée, il y aura un enseignement sur la façon de pratiquer aussi. Ayez un bon repos. So, that's all for tonight. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Please have a good rest.